À l'occasion du mois de la lutte commune anti-américaine du 25 juin au 27 juillet, les personnalités du nouveau parti communiste, de l'association d'études de la politique de Sun-gun, du cercle d'études des études Jutsu et de l'association d'amitié avec la Corée de la Grande-Bretagne et autres habitants ont livré le 25 juin devant l'ambassade américaine dans leur pays une manifestation anti-américaine. Par ailleurs, le même jour et à la même occasion, le comité préparateur suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes de 2017, le comité suisse-corée et le cercle d'études des études Jutsu de Suisse ont publié également une déclaration commune.